Altesse, na vil ou tesse, na Altesse, Altesse, modil ou tesse, na Niyem fe ney fe na, iyem kon ney kon na, tina ila male yala lonkele Lonkele, lonkele, lonkele Niyem fe ney fe na, iyem kon ney kon na, tina ila male yala lonkele Lonkele, lonkele, lonkele Sambal nyo fana sanye, diriki nyo fana sanye, mumbili nyo fana sanye Sanye, sanye, sanye Gande nyo nyo malo sanye, bui nyo fana lonye, tomkili nyo fana lanye Laye, laye, laye, nye nale, muso nyo fana ngay nye nale Ate basila de, na toma ngay la di alale Yeah.